Bonjour et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica, and this is an intermediate lesson. Nous allons assister à un drame aujourd'hui qui se situe dans un ascenseur. Yep, we have a woman. She just walked into the elevator and... Et voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Donc on écoute le dialogue. Sixième étage, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ? Il me semble que nous sommes bloqués. Oh non, quel enfer ! C'est mon pire cauchemar ! Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Vous ne comprenez pas, je suis claustrophobe. J'ai toujours évité les ascenseurs. Pour une fois que j'en prends un... Il y a un téléphone d'urgence. Ah, ça ne marche pas. J'arrive pas à respirer. Du calme, je vais vous aider. Regardez-moi. Respirez. J'y arrive pas, j'étouffe. Mais si, tu peux. Prends ma main. Doucement. Respire. Tu vois ? Oui, merci. Ça va mieux. Ah, ça fonctionne à nouveau. On est sauvés. Et nous sommes de retour. Yes, a lot of drama in the elevator. Everything worked out though. Ça s'est bien terminé. Encore une fois, French Pod, on a trouvé une solution. Right. Happy ending. Mm-hmm. And we also had a good Samaritan help the woman. Well, let's start at the beginning. So she was going to the sixième étage. Et donc on sent dans sa voix qu'elle est pas rassurée. Right, yeah, she sounds a little nervous. Mm-hmm. She specifies l'étage. Mm-hmm. And then her fears come true. Pas de chance. Right, hear this noise. Uh-oh, the elevator stopped. Et voilà, donc elle s'exclame, que se passe-t-il? And he's like, yeah, well, calmly tells her. Lui, il reste calme parce que, bon, c'est pas la fin du monde. Ils sont simplement bloqués. Tout simplement. No big whoop, we're just blocked. Bloqué. So you're bloqué dans un ascenseur. Ouais, voilà, ou coincé dans un ascenseur. Okay, so that means that we're stuck in there. Mm-hmm. Bloqué. Ouais. And she's like, oh no, what hell? Quel enfer! Okay, so this expression, quel enfer, is that like, I don't know, like in English, what hell? It's a little strong, but in French it's not, is it? Non, ce n'est pas... Mm. Ce n'est pas grossier. Okay, yeah. Pas du tout. It's a normal expression. Quel enfer! Voilà, dire qu'on est, quand on est dans une mauvaise situation, quel enfer! But what did she say after? Bah, c'est là qu'on voit qu'elle est vraiment énervée, qu'elle est vraiment nerveuse. C'est mon pire cauchemar! Son pire cauchemar. Amory, quel est ton pire cauchemar? Moi, le mien, c'est... En fait, c'est les araignées. Ok. Même le pire que ça, c'est être bloqué dans une toile d'araignée. Ça, c'est mon pire cauchemar. You've actually had nightmares about getting stuck in a spider web before. Ouais. Wow. Et toi? Mon pire cauchemar is to be attacked by a shark. Requin. Oh. As the users of French Pod might have already known what our worst fears are. So he's like, you know, he calms her down. He tries to start, you know, reassuring her. Hey. Voilà, il essaie quand même de la rassurer un peu. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. But she's like, no, you don't understand. Vous ne comprenez pas. What? Je suis claustrophobe. Amory, tu es claustrophobe? Un petit peu. Really? Mm-hmm. Quand j'imagine une situation où je dois m'engouffrer dans un tunnel, tu vois, très étroit. Is that your second pire cauchemar? Ouais, peut-être. To imagine getting stuck in a tunnel. Ouais, moi j'aime pas la sensation. Would you be claustrophobe dans un ascenseur? Non, je crois que ça irait encore. Yeah, it's a little bit bigger in there. Ouais. So you're just more like claustrophobe in really small spots. Mm-hmm. Yeah, moi aussi. Now this next part, she tells us why this is so terrible. Because... Jusque-là, elle a toujours évité les ascenseurs. She managed, yeah, this whole time. Je sais pas comment elle a fait, mais bon, voilà. Elle a toujours évité les ascenseurs. Elle devait prendre les escaliers. Et toi, Erika, t'as quelque chose que t'as toujours évité? Well, yeah, j'ai toujours évité going in the water. Et toi, is there something que tu as toujours évité? Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les araignées. Moi, j'ai toujours évité le mariage. That's great, Amory. Great accomplishment. Bon. Je n'ai toujours pas été coincé. Okay, I'm not even touch that one. Let's move on. So, elle a toujours évité les ascenseurs. And then she's like... Et pour une fois que j'en prends un. Pour une fois que... The one time that... Exactement. So, give us another example. Normalement, je prends un parapluie tous les jours. Okay. Et pour une fois que je ne l'ai pas pris... Uh-huh. il pleut. Yeah, it always works out like that, doesn't it? Pour une fois que you forget your umbrella, it ends up raining. C'est vrai. It's a perfect example. Chaque fois qu'on le prend, ça marche. Yeah. Y a pas de problème, et pour une fois qu'on l'a pas, le problème arrive. Always like that. Okay, so in the elevator, il y a un téléphone d'urgence. Ça marche pas. Yeah, so ça marche pas. And so then she's trying to start freaking out. Et oui, ça va de pire en pire. Mm. Maintenant, elle n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. He seems like he's a nice guy, and he probably doesn't want this girl freaking out. De bloquer dans l'ascenseur, to have a woman flipping out. So he, you know, tries to. On va dire, il va calmer la situation. Yeah. Avec cette expression, il dit, mais du calme. Du calme. It's like calm down. But is it like in English? You know, in English, you could use it in a lot of contexts, depending on your tone of voice. You could be like, oh, you know, calm down, it's okay. And you could also be like, calm down, just relax. Mm-hmm. Is it like that in French too? Or is it only used in a nice way? Non, c'est la même chose en français. On peut l'utiliser dans différentes situations. Comme si, par exemple, je te vois arriver et je vois que tu n'es pas bien, tu es nerveuse, tout excitée. Yeah. Je veux dire, du calme, Erika, ça va aller. Okay. C'est quoi le problème? Par contre, si maintenant je te vois, Erika, en train de crier parce que t'es pas contente. You mean like me yelling at you or something? Exactement. Mm-hmm. I would never do that. Yep. But let's just say I did, okay? Yeah. Et bien alors là, j'ai dit, hey, du calme, Erika. Yeah, okay, just chill. So. Il veut l'aider. Donc il lui dit, regardez-moi. Respirer. Du calme. So is it working? Is she calming down? Bah au départ, pas trop. Parce qu'elle n'y arrive pas. Yeah, she says, je n'y arrive pas. Because don't forget, if je n'arrive pas à respirer, je n'y arrive pas. Avec le pronom Y. Yeah, ouais. Yeah. Et ça va pas mieux parce qu'elle étouffe maintenant. So étouffer is to suffocate. Vraiment, étouffer, c'est manquer d'air. Ok. Bon alors lui, par contre, encore une fois, il reste calme. Yeah. Et il va continuer à l'aider. Donc il lui a demandé de prendre sa main, de respirer à nouveau, plus doucement. And then he's like, tu vois, see, so she must have calmed down. Ouais. Et finalement, ça va mieux. Okay. Yeah, she says, ça va mieux. Voilà. And then, you know, l'ascenseur, ça fonctionne à nouveau. Et on est sauvés. Donc ils sont. She probably can't wait to get out of there, huh? Ouais. À mon avis, elle va sortir en courant de l'ascenseur. Et nous, on écoute ce dialogue à nouveau. Sixième étage, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Il me semble que nous sommes bloqués. Oh non, quel enfer! C'est mon pire cauchemar! Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Vous ne comprenez pas, je suis claustrophobe. J'ai toujours évité les ascenseurs. Pour une fois que j'en prends un... Il y a un téléphone d'urgence. Ah, ça ne marche pas. J'arrive pas à respirer. Du calme, je vais vous aider. Regardez-moi. Respirez. J'y arrive pas, j'étouffe. Mais si, tu peux. Prends ma main. Doucement. Respire. Tu vois? Oui, merci. Ça va mieux. Ah, ça fonctionne à nouveau. On est sauvés. Okay, we're back, and I think she's probably never going to take an elevator again. Elle les a toujours évitées, et maintenant c'est fini. Yeah, c'est pour une fois que, and la dernière fois que. Voilà, ouais. I think probably. Okay. Elle n'est pas prête à remonter dedans. Now, in this dialogue, something interesting happened, right? Ouais. Because he said, you know, when he first tried to calm her down, he's like, je vais vous aider, regardez-moi, respirez. He was using the vous form to her. Voilà. Donc là, c'est normal, il la vouvoie, puisque c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Right, they're strangers in the elevator. But then, she's still kind of freaking out. Je n'y arrive pas, j'étouffe. And then he started using the tu form, right? He started saying, mais si tu peux, prends ma main. Voilà. Respire. Et donc là, on a la situation qui change, en fait. Comme ça devient plus délicat. OK. Et que bon, c'est un peu stressant, il faut agir. Right. Là, il va commencer à la tutoyer. Right, you have to act because it's a serious situation, a stressful situation. Mm-hmm. Donc il commence à la tutoyer pour qu'il y ait moins de distance entre les deux. Okay, so he starts tutoying her to create less distance and then also to maybe calm her down a little bit, right? Voilà, comme ça elle se sentira peut-être plus proche et ça va peut-être l'aider. Okay. So if you were in a situation where you had somebody who's freaking out and you need to calm them down in French, is that a good technique? To use, should you go start saying tu to them? Ben oui, je crois. Parce qu'il faut quand même savoir que le tutoiement est beaucoup plus utilisé en France que le vouvoiement. Donc, why is it used more? Parce que quand on se retrouve avec les gens, une fois que, dès qu'on les connaît, on se tutoie. Because you tend to be around people you know more than you don't, right? Voilà, exactement. Okay. Et donc, pour essayer de se sentir plus proche de personne, on utilise le tutoiement. Right. Donc, dans une situation comme ça, pourquoi pas? But would there be a situation you wouldn't want to do that? Peut-être avec des personnes âgées. So especially though, if it's someone around your age, that would be, you know, in this kind of situation, that's a good way to calm down. Oui. Okay, so if you have any questions, come to frenchpod.com. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles discussions. Mm-hmm. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.